caramel. Décembre 1989, 2 juin 2023. Séparent ces deux dates, 34 ans et 1000 émissions tout pile de radio. 34 ans et 1000 émissions de Caramel Mou, et Caramel Mou qui se trimballe depuis sur ces ondes campusiennes. Depuis le début, Caramel Mou a cherché des manières de décliner l'activité artistique de ce côté-ci de la Garonne. Enregistrement pirate ou pas, de concert, à la fois où Arnaud a interrompu l'enregistrement du sien pour nous le faire cesser immédiatement, un enregistrement pourtant négocié au préalable. On n'a mené pas large avec nos magnétos de pacotille. Interview de musiciens, d'acteurs culturels toulousains, d'écrivains, Claude Mespied ou Pascal Dessin, évoquant pour le premier son dictionnaire du polar, pour le second son premier roman paru au milieu des années 90 aux éditions L'Incertain, restent des moments délicieux. Morceaux joués en direct, enregistrés dans ce studio, à l'image de ce que l'on est en train d'écouter juste derrière ce petit édito, le duo de Rémi Froissart enregistré dans un studio de campus en mai 90. Conçu au départ à deux avec Philippe Padilla, dit le Baron Blitz, Caramel Mou a vu ensuite débouler plusieurs chroniqueurs, la plupart du temps d'anciens interviewés qui ont donné au fur et à mesure de leur arrivée la couleur gentiment foutraque de cette émission hebdomadaire qui migra du samedi soir à 20h au mercredi en fin d'après-midi 17h avant de s'installer depuis 25 ans sur cette tranche 18-19h le vendredi soir, l'heure des bouchons sur la rocade mais aussi l'heure du tire-bouchon dans le studio pour les traditionnels apéros saucissons arrosés à coups de bonne bouteille de blanc, à boire avec modération bien entendu. Et c'est ainsi que Thibaut Soulier puis Boris Georgelin sont venus nous parler de BD, Michel Matt d'économie musicale, Mister Wifonk, Nicolas Nérang, Marc Bess, Jérôme Provençal, Laure Delso, Gérald Guibaud de musique de jeunes, Jean-Pierre Lérac de jazz bizarre, Cécile Brochard puis Jérôme Gac de théâtre, Laurence Cabidoche, Fabienne Maridé ou Manuel Pomard d'art plastique, Perrine Crubilé de journaux puis de cuisine, Laurent Elbé de littérature, Alex Masson, Jean Z, Frédéric Thibault de cinéma. Des journalistes patentés, Santiago Mendieta ou Philippe Terrancle de Pyrénées Magazine, Fred Jolicoeur du Satiricon, Frédéric Bourgade de Radio France Toulouse, Gaël Cérez de Médiacité sont venus devant ces micros pour chroniquer les coulisses de la vie politique toulousaine, mais pas que. Politique et actualité politique décortiquée régulièrement dans cette émission par Salam Okran et que Pierrick Rouquette, alors chanteur et guitariste des Malpolis, puis Lucas Lemoff ont égratigné dans leurs chroniques régulières, parfois acides, parfois rentre-dedans, jamais neutres, mais toujours jubilatoires. Et voilà, aujourd'hui c'est la 1000e. Le 7 juillet prochain, on fêtera la dernière de Caramel Mou. le moment de mettre un point final à un peu plus de 3 décennies d'aventure radiophonique, une aventure commencée à deux et qui s'est transformée petit à petit en histoire plus collective, réalisée dans des conditions parfois aléatoires par une tapée de fondu du son d'Éric Falavier, dit aussi l'homme qui s'appelle, mais dit aussi Yoda, à Valentin Jiquel, l'actuel réalisateur de Caramel Mou, en passant par Tulip, Paul Benaïm, Alban Pelletier, Wifonk, Didier Lestrade, parti bien trop vite, victime au milieu des années 90 d'un cancer foudroyant, et puis également Jérôme Garcia. Une bien jolie équipe, et merci à tous ces gens-là qui se sont succédés au micro de Caramel Mou pendant ces 34 saisons. Salut les filles, c'est Joe Kangourou, donc pour la 1000e de Caramel Mou, réalisée par Valentin Jiquel. Ce soir, on parle de Tiwiza, groupe de rock'n'roll mêlant à son rock électrique et rentre-dedans musique shabby et blues du désert, un rock berbère popularisé il y a une vingtaine d'années par des groupes comme Gnawa Diffusion ou Rachita ou même l'Orchestre National Barbès. On en parle avec Sofiane Belaïde, le leader de Tiwiza. Et puis le chanteur François Dorembus viendra nous donner des nouvelles d'Am Slam, le duo qu'il forme avec la harpiste Rebecca Ferrong à la veille de leur passage à l'Épicentre à Marc-Tolosane chez Dickane Garne et ses amis du Verbe. Manuel Pomard nous présentera dans un instant au téléphone la soirée qui aura lieu ce soir aux ateliers du Théâtre Garonne dans le cadre du nouveau printemps, ex-printemps de septembre. Et puis notre bon professeur Thibault nous rejoindra s'il le peut. Il y a encore des grèves de métro ce soir en fin d'émission pour une nouvelle chronique de cinéphilie décalée, érudite, foutraque et pour tout dire essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Actuellement en studio afin d'y enregistrer un quatrième album qui sortira en novembre prochain, le Quartetto Taffy a publié dans la semaine un premier extrait de cet album à venir, Vuelven, une chanson qui parle de migration, d'exil, de marche forcée, de peur au ventre, mais aussi d'espoir de tout recommencer. Quartetto Taffy, Vuelven, extrait d'El Infinito y Una Mort, le prochain album de ce quartet toulousain. À noter que Quartetto Taffy sera au Bijou les 12, 13, 14 et 15 décembre prochains. On a le temps, c'est Caramel Mou et c'est à mieux. Despertaron las cruces, dibujan la muerte, mi lucha es consciente. Oh. Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kango ou pardon? Bonsoir Manuel Pomar. Bonsoir Joe. Très éloigné, même le son du téléphone vous fait paraître et apparaître comme si vous étiez dans une grotte au fin fond de l'Ariège. Je suis dans les loges du Théâtre Garonne. Eh bien voilà, c'est bien ça. Donc dans les loges du Théâtre Garonne, puisque ce soir va se dérouler là-bas une soirée dont vous êtes à l'initiative. Enfin, l'initiative, c'est pas tout à fait vous, mais on vous a donné une carte blanche pour la soirée de ce soir. Vous allez nous en dire un peu plus dans 3 minutes. Mais juste avant, une première question. Cette soirée se passe dans le cadre du nouveau printemps, je sais que je vois un peu le mal partout. Qu'est-ce que c'est encore cette énième déclinaison de ce festival qui, à l'origine, était basé à Cahors et qui s'appelait le printemps de Cahors et qui, après être passé par le printemps de septembre, s'appelle maintenant le nouveau printemps? Alors, espérons. espérons que c'est la dernière déclinaison. Non, c'est un nouveau départ. Vous n'êtes pas sans savoir que le printemps de septembre a eu quelques freins financiers et donc se retrouve avec un budget, je crois, amputé de moitié. Donc, il a fallu repenser complètement le festival et son inscription dans la ville. Et d'où cette nouvelle version qui porte bien son nom, finalement. et qui va donc se passer tous les 2 ans, c'est aussi... Non, ça va se passer tous les ans, et chaque année, ils vont changer de quartier de Toulouse. D'accord. Donc, la première, c'est autour de Saint-Cyprien. Voilà, c'est ça. Et chaque année, un nouvel artiste est invité en tant que, finalement, directeur artistique, et qui est un artiste proche des arts visuels, mais qui n'est pas réellement un artiste plasticien. Donc là, c'est Mathaly Tracé qui est designeuse, c'est malgré tout une plasticienne. Et l'année prochaine, le bruit court que ce serait un cinéaste. Ah ouais, d'accord. Donc effectivement, une ouverture à d'autres champs artistiques. Voilà, exactement. Deux, trois choses à nous proposer et à nous conseiller à voir pour cette première édition du nouveau printemps. Ce qui est bien, alors je sais pas, il faut se promener du côté de l'Agrave, parce que l'Agrave est ouvert à nouveau. Il y a des éléments visibles faits par les élèves de l'école d'architecture dans certains des cloîtres, j'appelle ça des cloîtres. Oui, mais des cours. Voilà, de l'Agrave. Et de là, on peut accéder au jardin Raymond VI, où là aussi il y a des propositions à la fois de Mathaly Tracé, mais aussi de Pierre Lapolice. Qu'on aime beaucoup. Un auteur de BD. Oui. Il a fait des drapeaux qui sont dans le jardin Raymond VI. Donc ça, c'est la balade extérieure que je peux vous conseiller. Après, il faut aller aux abattoirs où il y a 2 expositions, au Théâtre Garonne. Donc c'est comme ça, disséminé dans le quartier Saint-Cyprien. Et pas mal de rendez-vous ici aux ateliers du Théâtre Garonne, qu'on appelle les ateliers du fer. Voilà, et donc, on va en parler tout de suite, mais quand vous dites qu'il y a des choses à voir à l'hôpital Lagrave et que l'hôpital Lagrave est de nouveau ouvert, après la fermeture la semaine dernière de la maison de médecine générale, ça va faire plaisir aux gens qui s'en sont fait exclure. Donc vous êtes... C'est dehors, je sais, oui. les mutations de la ville sont parfois choquantes. Ah oui, et sont assez abratambagantesques, comme disait notre vieux Jacques. Donc vous êtes, vous, ce soir aux ateliers du Théâtre Garonne, puisque la nouvelle direction du nouveau printemps vous a donné carte blanche pour organiser un événement dans cet endroit ce soir. On nous a invités au départ pour faire une édition. Et en tant que locaux de l'étape, j'ai envie de dire, les Toulousains qui programment des Toulousains. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, comme disait l'autre, il pleut beaucoup. Ah. C'est une information pour le moment chez nous, c'est sec. Mais donc ça va arriver. Nous, ce soir, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Et donc, j'ai décidé de montrer un peu la vitalité que je sentais dans un endroit qui est l'intersection entre la musique et les arts visuels. Et je trouvais qu'en ce moment, il y avait une scène assez jeune, assez émergente de musiciennes, surtout, qui étaient dans la droite ligne du do-it-yourself, qui sont des personnes qui sont à la fois dans un groupe, mais qui font aussi des affiches, des visuels, qui organisent des concerts, qui ont des labels. Voilà, et je voulais vraiment focaliser là-dessus, d'où le titre Sonovision. Ouais. Et c'est vrai que si je peux me permettre, cette salle des ateliers du Théâtre Garonne, donc qui est une grande salle qui est juste en face du Théâtre Garonne, a été considérée pendant longtemps, j'allais dire, comme la salle un peu rock arty de Toulouse. C'est vrai que La chasse à la voisine. Voilà. Mais là, parfois, on y a vu Jonathan Richman. Enfin, il y a eu des superbes concerts. On y a vu les Toulousains, Sylvain Chauveau, Watermelon Club, Diabolo Gom aussi y a joué. Oui. Enfin, tout ce que Toulouse a pu compter de groupes de rock arty a joué régulièrement dans cette salle. Eh bien, renouons avec cette tradition. Parfois, les traditions ont du bon. Donc, qu'est-ce qu'on y écoute ce soir aux ateliers? Ce soir, alors... J'allais dire, c'est éclectique. C'est le mot qu'il faut pas dire. Mais c'est ça. Moi, j'aime bien les programmations impures, où on va jouer du mélange, on va jouer des croisements. Donc, on va démarrer avec Générique Mardi. C'est un duo. On est à Berlin, quoi. Il y a des basses assez froides. Du corps analogique avec deux chants féminins qui chantent en chœur. C'est, ouais, pour démarrer, ça va nous mettre en joie, je pense. On enchaîne avec Nuit Floride. Ça, c'est une artiste qui s'appelle Mathilde Vérune. Donc, comme le. Qu'on écoutera à la fin de votre passage dans cette émission. Pardon ? Qu'on écoutera à la fin de votre passage dans cette émission. Bah là, les balances, c'était génial. Vraiment, elle a vraiment une superbe voix qu'elle module dans différents registres. Il y a une super atmosphère et je pense que dans cette salle, ça va vraiment rendre. Ensuite, il y a Chien Pourri. Là, on est dans quelque chose de plus foutraque et c'est tant mieux. De venir un peu contrebalancer la dream pop de Nuit Floride et avec Chien Pourri. Ensuite, on passe à Dox. Dox, c'est des guitares. Des guitares dans la veine du rock indé américain des années 90. Mais en plus peut-être mélodique, plus fragile, c'est très beau aussi. C'est deux des membres de Nos Dramas, que j'ai vu la semaine dernière au Pavillon Sauvage. Voilà, et que moi j'ai vu la semaine d'avant à l'OTAN, et effectivement, c'est un groupe sur scène, Nos Dramas, qui dégage une énergie complètement folle. Voilà, donc Dox, ce sont deux des membres de Nos Dramas. Mmh. Et on finit par la sensation photomatique, qui est Laura Zanti, qui fait aussi une organisation de concerts qui s'appelle Dernière Neige. En ce moment, elle fait beaucoup de concerts au Ravelin, demain au Labo des Arts, je crois. Oui. Et donc, Photomatique, c'est vraiment un rock post-punk qui avance, féminin. Et voilà, on dansera à la fin de la soirée, c'est pour danser. Voilà. Et Photomatique, qui avait sorti un 45 tours il y a 3-4 ans sur le label toulousain Pop Superette. Exactement. Et c'est un des coups de cœur d'Étienne Dao. Je ne sais plus dans quel journal il a déclaré ça. Quand on lui a posé la question, qu'est-ce que vous écoutez de nouveau ? Hop, c'était Photomatique. Et il y a Alison Flora qui va faire les visuels, le bijing pour tous ces groupes durant toute la soirée. Et là, c'est un univers... C'est la copie de VHS. Je pense qu'on va avoir des extraits... des meilleurs films de la... Je pense que ça plairait à monsieur... À monsieur le professeur Thibault. Avec du grain et des rayures sur l'écran, ça va être formidable. Bon, ben, Manuel Pomard, merci beaucoup pour cette description de soirée. Ça commence dans pas très longtemps, 19h30. 19h30, premier concert. Et on sort un fanzine qu'on a réalisé durant la semaine, où justement on raconte un peu une histoire du rock toulousain subjective et parcimonieuse. On n'a pas, voilà, c'est notre regard qui fait une trentaine de pages, et je pense que ça vaut le détour, la lecture. Je vous en mets un numéro de côté d'ailleurs. Voilà, j'allais vous dire, s'il vous plaît, Manuel Pomard, mettez à moi un de côté. Donc voilà, Sono Vision Festival ce soir aux ateliers du Théâtre Garonne, donc, avec 5 groupes, Générique Mardi, Nuit Floride, Chien Pourri, Dox et Photomatique, en rappelant que c'est un concert gratuit et que ça commence à 19h30 et que vous avez prévu d'arrêter aux alentours de 23h. Voilà, 23h30. Voilà. Une fois que tout cela est dit, bonne soirée. Voilà, merci et bonne millième. Et merci beaucoup et à très vite. À très vite. Au revoir. Et pour achever ce passage aux ateliers du Théâtre Garonne, on va écouter donc un morceau Abyss de Nuit Floride. Manuel vient de nous en parler il y a 2 minutes. Le projet musical de Mathilde Vérune, elle-même passée par les Beaux-Arts de Toulouse. Nuit Floride, Abyss. Nage sous mes paupières. Mais dites-moi, vous avez une technique remarquable. Oh, je pourrais faire mieux, mais ça dépend des troncs. Voyez-vous celui-ci ? Son orifice est simple et large. Oui. Malheureusement, ils ne sont pas tous aussi faciles. Ah, hélas, j'utilise la suceuse à sous dans les meilleurs des cas. Mmh. Ou sinon, vous travaillez comment ? Au caramel mou. Bonsoir, Sofiane Belaïd. Azulf Laouane, bonsoir. Vous êtes le leader, compositeur, auteur de la plupart des morceaux de Tiwiza, un groupe toulousain, je le disais tout à l'heure, de rock berbère, enfin de rock'n'roll qui rajoute à cette base issue de l'Angleterre et des États-Unis un fond de musique du Maghreb, de musique berbère, mais aussi de ce qu'on appelle le blues du désert, ce style musical mis en avant il y a une quinzaine d'années par des groupes comme Tina Riwen. Et vous avez un peu cette particularité d'être un groupe mixte, des musiciens algériens vivant en France, des musiciens français que l'on a l'habitude de voir dans d'autres groupes de Toulouse, avec cette culture du Maghreb et cette culture très rock'n'rollesque. Et c'est quand même la marque de Tiwiza. Comment est né ce projet, Sofiane Belaïd, en sachant que vous êtes un musicien algérien arrivé en France vers quel âge? J'avais entre 12 et 15, je me souviens pas très bien. Ouais. Et donc c'est ici que vous avez terminé, j'allais dire, votre apprentissage musical? C'est ça. Bon, j'ai pas habité tout de suite à Toulouse, mais j'étais dans le coin, dans le Tarn-et-Garonne plus exactement. Mais pour répondre à ta question, comment s'est formé ce groupe? Ben, il s'est formé tout simplement par la rencontre avec le bassiste en fait en 2009 au Rio Loco Maghreb. J'aime pas trop ce mot d'ailleurs, je tiens à le préciser, je lui préfère Nord d'Afrique en fait. C'est plus juste parce que Maghreb en arabe ça veut dire l'Occident et je me sens pas du tout occidental. Et je veux surtout pas être nommé par quelqu'un d'autre. Le plus logique géographiquement ce serait l'Afrique. C'est Afrique du Nord. Voilà, il faut pas enlever le mot Afrique à l'Afrique du Nord en fait. Alors on veut nous faire croire qu'on vient d'ailleurs alors qu'on est africain depuis toujours, surtout les berbères. Du coup, on s'est formé comme ça en fait, on s'est rencontrés en 2009. J'avais des chansons chez moi que je composais déjà tout seul et je voulais former un groupe et je ne savais pas du tout comment il fallait faire pour rencontrer des musiciens. Et quand j'ai rencontré Lolo, Laurent il s'appelle, le bassiste, ben ça s'est fait comme ça. Après, on a rencontré le batteur, le guitariste. On était monté jusqu'à 8 à un moment donné dans le groupe, au tout début. Mais les choses faisant, voilà, ça s'est réduit à 4. Et on ne peut pas faire moins, sinon on arrête le groupe. Et oui, mais 4, c'est, j'allais dire, c'est le format rock'n'roll. C'est ça. Ça aurait pu être un power trio si je n'étais pas là. Mm-hmm. Ça aurait été mieux d'ailleurs pour eux. Ouais. Mais là, ça aurait peut-être pas eu la même couleur. C'est ça. Mais la caution berbère, c'est moi, malheureusement. Mm. Donc on va en parler de cette région, la Kabylie, et de l'influence qu'elle a sur votre musique. Mm. On va simplement rappeler que Tiwiza, c'est une guitare électrique, une basse, une batterie et une mandole. Donc, et un gambri aussi. Et un gambri, ouais, que joue le bassiste de temps en temps. Non, ça c'est moi aussi. C'est vous aussi. Ouais. Avec donc ce mélange, c'est des choses que vous écoutiez jeune, Gnawa Diffusion. On parlait des Boukak ouais, juste tout à l'heure, avant que l'émission ne commence. Il y avait l'Orchestre National Barbès aussi, au ouais, début des sûr, années 2000, qui commençait à populariser ce style de fusion. Une nouvelle vague de musique algérienne, ouais, fusion. Alors moi j'ai découvert tout ça en France par contre, c'était pas du tout ma culture musicale. Nous on avait nos fondamentaux, c'était Idir bien sûr, Matou Blounès et puis d'autres. Et après c'est vrai que quand je suis venu, j'ai découvert plutôt la musique noire américaine moi en fait. J'écoutais pas spécialement notre musique, si Slimane Azem etc, mais c'était pas non plus, c'était pas dans la fusion, c'était plutôt traditionnel quoi comme musique. Mais après, quand Matou Blounès a été assassiné en 98, c'est vrai que j'ai eu un retour en arrière comme ça dans ma tête et je me suis dit, putain, je parle une langue, je ne me suis jamais posé la question, est-ce que je pouvais l'écrire quoi. Et ce mec a fait que je suis né une deuxième fois en fait lors de sa mort. Donc il y a 25 ans, c'était en juin 98. Exactement, en fait c'est 25 ans malheureusement. Mais voilà, il nous a laissé un grand, comment dire, une grande histoire, en fait. Et c'est, moi, personnellement, en tant qu'humain, déjà, c'est ce genre de personnage, en fait, qui vous réveille un jour et qui vous dit, voilà ce que tu es dans ce bas monde. Et ta richesse, c'est pas des châteaux, c'est pas des tableaux. Enfin, il y a pas de richesse matérielle. Par contre, ta langue maternelle, ta culture, etc. Ça, c'est la plus grande des richesses que nous ont laissé nos ancêtres. Et du coup, je me suis remis, en fait, à écouter notre musique, etc. Et en fait, je trouvais que c'était déjà très moderne, en fait. Il n'y avait pas grand-chose à rajouter pour que ça soit audible par tout le monde. Plus la profondeur des textes, la poésie, etc. Je ne dis pas que j'y suis arrivé, parce que ces mecs-là ont laissé quand même un sacré niveau. Mais le berbère, voilà, ce côté très... ils font super gaffe à ce qu'ils disent, quoi, en gros, tu vois. Parlez-nous un peu de ce pays qui est, et de cette culture et de ce peuple qui est étalé sur plusieurs pays. Oui, La Kabylie, c'est pas qu'en Algérie. Et les Berbères ne sont pas qu'en Kabylie, en Algérie. Alors, la Kabylie, c'est qu'en Algérie. Oui. C'est les Berbères du nord, en fait, ceux qui habitent en montagne, et ceux qui habitent à la mer, en fait. Il y a la grande et la petite Kabylie. Mais les Berbères, c'est un grand peuple, en fait, qui est allé sur 9 pays. Et selon la région où ils se situent, en Maroc, par exemple, on appelle ça les Rifains au nord, les Chleuch au Moyen Atlas, et Sous au sud. Après, vous avez les Touaregs aussi dans le désert. Tout ça, c'est mes frères, en fait. On partage la même langue, la même culture. Hein. Et ce qui fait que ce peuple peut être unifié, est unifié par la langue. Par la langue, par la culture, par les coutumes. Qui se définissent comment par rapport au reste de la population de ces pays-là? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a peut-être le couscous, déjà, nous unit, parce que c'est vraiment un mets typiquement nord-africain, parce que c'est pas oriental. Le couscous oriental n'existe pas, les gars. Vous voulez dire que les orientaux, les arabes, c'est une invention? Non, ça n'existe pas. Eux, c'est le riz. D'accord. C'est juste, c'est pas du racisme ou quoi que ce soit, hein. C'est qu'on aime toutes les cultures. Mais c'est vrai que nous, les Berbères, on a été les oubliés un peu de l'histoire, alors qu'on a quand même compté dans le bassin méditerranéen, qui était le centre du monde, en fait. On a côtoyé les Romains, on s'est même fait la guerre, les Grecs, les Turcs, enfin, il y a eu quand même pas mal de choses qui sont passées. Et on était là bien avant les Égyptiens, donc notre langue est toujours vivante aujourd'hui. Le grec ancien, le latin, l'égyptien ancien, etc., tout est mort, sauf les Berbères existent encore. L'oralité nous aura sauvés, nous aura bien fait chier à un moment donné, parce que les écrits restent et les paroles disparaissent. Et il y a beaucoup de paroles qui ont disparu. Vous lire, voilà. Là aussi, la poésie berbère a disparu en partie parce qu'elle était de tradition orale. C'est exactement ça. Et surtout l'histoire. Il nous manquait plein de bouts. Heureusement qu'il y a eu des chercheurs et des gens qui s'y sont intéressés, comme Mouloud Mamri et tout ça, qui ont fait qu'on a... En fait, on a toujours vécu par rapport à l'envahisseur. Dès qu'il y en avait un qui partait, il y en avait un autre qui est revenu. C'est pour ça que vous allez trouver en Afrique du Nord des roux, des plus mates, des blancs yeux bleus, parce que tout le monde est passé par là. Nous, on jouit de ça. On a envie de ça. On a envie de parler français, portugais, espagnol. Toutes ces langues, en fait, pour nous, c'est des butins de guerre. Les Berbères existent, mais le berbère est en train de disparaître, malheureusement, parce que... l'arabisation à outrance, etc., c'est pas bon, quoi. Et nous, on veut juste avoir le droit d'exister, quoi, tout simplement. Et c'est même pas aux Berbères de défendre le Berbère, normalement, c'est à l'humanité, parce que c'est une très vieille civilisation, et aujourd'hui, ça aurait été bien qu'on ait encore des Aztèques ou des Incas pour nous expliquer ce que veulent dire tous ces trucs-là. Vous avez face à vous des Berbères, essayez de vous y intéresser un minimum pour savoir qu'en Afrique du Nord, les Berbères, en fait, ont toujours été en Afrique du Nord. Le désert est notre berceau, qui n'était pas un désert d'ailleurs avant. Et on a laissé des traces dans des grottes du Néolithique. Donc c'est juste pour vous dire à quel point ça remonte, cette histoire-là. Et c'est nous, de ça dont parle votre musique? Essentiellement. Pendant longtemps, c'était ma zone de confort jusqu'à cet album. Là, je me suis permis des histoires d'amour impossible, etc. Je suis sorti un peu de ça. Ma zone de confort, c'est-à-dire que c'est vraiment le... C'est ce qui m'anime depuis que j'ai commencé la musique. Hein. Après, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de problème et que la langue berbère soit officiellement... D'ailleurs, elle l'est, mais qu'elle existe naturellement dans sa propre terre, l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Mauritanie, les îles Canaries, Niger et Mali. Ça, c'est le territoire de cette langue-là. Donc, elle devrait exister naturellement, en fait. Mais le problème, c'est qu'on doit encore un peu lutter. Et Et c'est comme ça, c'est, j'ai l'impression que c'est lié aux berbères, ça, de lutter. C'est, quand vous parlez, je me dis, c'est quand même assez étonnant de découvrir son peuple et ses traditions après votre arrivée en France. Ben souvent, on s'intéresse à ce qu'on a laissé, en fait. Mmh. Parce que quand on est dedans, on baigne dans cette atmosphère-là, on sent que, par exemple, moi je suis kabyle, on sentait que la Kabylie, c'était une région un peu particulière, quoi. C'est à partir de la Kabylie qu'on commençait vraiment à se sentir chez nous, etc. Comme ça peut le faire pour un Algérois qui va à Alger ou un Toulousain qui vient à Toulouse. Et cette région a toujours lutté pour son... Enfin, pas pour son indépendance d'ailleurs, parce que ça, c'est vraiment un gros problème en ce moment. Mais surtout pour sa culture, sa langue, etc. Et on sentait que c'était une région un peu rebelle, quoi, qui refusait la soumission, quoi. Donc, je le disais en début d'entretien, vos textes parlent autant de la situation des habitants de l'Afrique, dans l'Afrique dont vous déplorez un peu le délitement, et cette façon de ne pas faire cause commune, mais de partir chacun de son côté. Ça parle aussi de la condition des femmes, ça parle aussi d'histoires d'amour impossibles, mais ça parle aussi d'enfants qui sont complètement déphasés, dépaysés, laissés seuls. Vous parlez quand même de thèmes très très durs dans vos textes, et puis évidemment de la Kabylie et de cette revendication un peu culturelle que vous voulez assumer. Je pense être dans la pure tradition des chanteurs kabyles ou berbères en général, parce que on est témoin de notre temps, et en fait on se sent on a la mission de parler de sujets qui nous... C'est vrai qu'on est ça, d'extérieur comme ça, on n'a pas l'air gay. Mais rythmiquement, etc., en fait, on peut parler de sujets sensibles, de sujets durs, mais tout en dansant, en fait, on parle au corps et à l'esprit. Et c'est vrai que c'est des sujets qui me touchent, moi particulièrement. C'est vrai que j'ai l'impression que le bonheur n'inspire pas. C'est quelque chose qui devrait être naturel, du coup, parlant plutôt des problèmes. Et c'est là où je m'engouffre, moi, par mon écriture. Après, bien sûr que... voilà, j'ai grandi, y a des choses qui sont arrivées dans ma vie, bien sûr que je vais parler d'autres sujets, bien sûr. Vous avez grandi avec quelle musique, justement ? La musique nord-américaine, vraiment. Moi, vraiment, c'est une fois arrivé en France, mais, ouais, les 12 premières années, c'était aussi ? Non, il y avait... Moi j'ai été baigné dans Idir, Farhas, à l'époque. Par exemple, c'est un groupe musique... comme les Abrani, qui est un des premiers groupes, j'allais dire. C'est qu'on le compare souvent, d'ailleurs. Oui, c'est pas pour rien que je vous en parle. Alors, je connaissais deux noms. Je connaissais un ou deux tubes. Hein, c'est classique, parce qu'en Kabylie, il n'y a pas 40 000 artistes. Quoi que si, mais il y en a... Enfin, en général, tout le monde les connaît. Mais qui ont mixé les textes kabyles et la musique rock. Exactement, puisqu'ils l'ont fait... Ils l'ont fait avant nous, ça c'est clair. Dès les années 70. Ah oui, et franchement, je découvre. C'est pas mal. Et c'est très très bien. Ça me fait plaisir. Moi, je me suis engouffré là-dedans. D'ailleurs, on n'est même pas rocker dans le groupe. Hein. Il faut pas mentir aux gens. L'album est sorti comme ça. L'énergie est rock dans le groupe, quoi qu'il arrive. Même si on fait une balade, on a un esprit rock, parce que revendicatif, parce que machin. Mais c'est vrai que cet album-là, on n'a pas réfléchi 10 000 ans, c'est sorti tel quel, quoi. Nous, on pensait que ça se rapprochait plus de Stevie Wonder, mais apparemment, d'après vos retours... Oui, là, faut réécouter Stevie Wonder. Non, après, j'ai très influencé par les Clash, bien sûr. Mais ouais, et c'est vrai qu'il y a certains morceaux, et peut-être l'esprit aussi. Rachita n'est pas très loin. Pareil, j'ai découvert ça en France. Je le cache pas. Hein. En fait, moi, je suis peut-être l'un des seuls artistes ici présents qui écoute le moins de musique, finalement. Et j'en ai 3 ou 4 sur lesquels je tourne, en fait, et ça me va très bien, malheureusement. Hein. Il faudrait que j'agrandisse un peu ma culture musicale, c'est vrai. Mais Rachita, bien sûr, je l'ai connue ici. Et d'ailleurs, on lui a rendu hommage. Son groupe m'a invité au Rio Loco la dernière fois. Je les en remercie, je les salue s'ils m'écoutent. Mais Rachita aussi, bon esprit, c'est super. En fait, j'aime bien les gens qui vont chercher leur truc à eux Et finalement, le temps, avec le temps, ça s'impose, enfin, ça s'impose aux gens, quoi. Parce qu'au début, on se fout de leur gueule, peut-être, parce que c'est pas dans les clous, mais franchement, il n'y a pas mieux, quoi, d'aller chercher son sang, son propre sang, quoi. Après, c'est vrai que vous prenez des chemins un peu tortueux, mais aussi un peu périlleux. Vous êtes parfois, effectivement, ouais, sur une tradition établie, la chanson kabyle, mais que vous dynamitez complètement par les arrangements que vous mettez en place. Et effectivement, ce côté-là, vous êtes loin de la tradition du chanteur kabyle, c'est évident. Du moins sur cet album, parce que peut-être que ça ressemblait plus à ce qu'on avait avant, c'est vrai. Mais là, on commence à trouver juste un son de groupe, parce que je ne suis pas tout seul. Il y a quand même trois autres messieurs qui sont pas kabyles du tout. Il y a un franco-sénégalais et deux français, on va dire ça comme ça. Et donc on y trouve en particulier Victor Goneng, bien connu ici. Le plus connu de Toulouse, lui, voilà, c'est un truc de fou. Pour avoir fait partie de The Roche, mais pour faire aussi partie actuellement d'Altes Ego. C'est le même groupe, en fait. C'est le même groupe, mais avec un changement de nom. Il joue au Rio Loco, d'ailleurs, dans pas très longtemps. Ouais. Et c'est vrai que les deux autres, donc il y a le bassiste dont vous parliez tout à l'heure. Ouais, Lolo et le batteur groupe aussi, et Mousse. Que vous avez aussi rencontré à Toulouse. Voilà, au début on était tous à Toulouse, donc ça nous arrangeait bien, parce que du coup, jusqu'à aujourd'hui on dit qu'on est de Toulouse. C'est plus simple, voilà, aussi. Mais réellement, on n'est même plus de Toulouse. Il reste que Victor, en fait, c'est notre caution toulousaine. On dit qu'on est de Toulouse, mais il y en a qui sont du Gers, du Tarn. Moi, je suis à 20 minutes, mais on va dire qu'on est de Toulouse. On le dira aussi. Donc, nouvel album pour Tiwiza, Amenzou. Un album fabriqué dans l'urgence. Enfin, c'est au moins ce qui ressort de l'écoute. On sent que la musique, elle est vraiment jouée dans l'urgence. Ouais, alors pour... de multiples raisons, parce que ça faisait un petit moment qu'on voulait faire un album, et là on s'est dit au bout de 10 ans, ça craint quand même les gars, il faudrait peut-être franchir le cap. On a sorti un EP en 2016 de 4 titres, mais c'est vrai. On avait l'occasion de faire un album, mais je pense qu'on attendait d'avoir un son aussi, un son à nous, parce qu'avant on nous comparait, et c'est un honneur, hein, Agnao Diffusion, à l'ONB justement, toutes ces références que moi j'ai, parce que les groupes ne connaissaient pas. Et on s'est dit que là, en fait on a sorti un morceau qui paraissait un peu être... Il y avait nos ingrédients un peu, etc. On s'est dit que peut-être ça, c'est notre son. On s'engouffrait là-dedans et en fait, ça a donné ça. Quoi. Voilà. Et un son qui se fabrique comment? Là, c'est un travail collectif. C'est les musiciens avec lesquels vous jouez qui vous amènent des riffs, qui vous amènent des plans, qui disent tiens, peut-être on pourrait essayer ça. Alors avant, j'écris toujours, c'est moi qui écris les textes et qui les chante. Je suis le chanteur du groupe. Pendant longtemps, c'était moi qui emmenais quasiment tout le morceau. Après, on l'arrangeait un peu avec l'équipe. Mais des fois, le morceau était déjà là. Mais ça, c'est parce que je les avais avant de les rencontrer, donc c'était plus simple pour moi. J'avais de l'avance, mais comme ils sont très rapides maintenant, je me laisse faire un peu. Et c'est vrai que c'était dur pour moi. En fait, je devais avoir le texte avant de chanter, avant de faire la musique. Mais sur cet album-là, du coup, ça peut aller plus vite aussi dans l'autre sens. Du coup, maintenant, ça peut arriver que ça soit des idées qui viennent du groupe. Et en fait, et moi, je m'intègre dedans. Et vous vous calez sur ce qu'ils amènent. Exactement. C'est peut-être aussi ça, le côté urgence qu'on retrouve dans cet album. Donc, premier album de Tiwiza, Amenzou. On va écouter un morceau dont je vais vous laisser dire le nom. Nif et Maziren. Voilà, vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu m'y lancer. Vous nous dites deux, trois mots sur ce morceau. C'est un hommage en fait aux Imaziren. Imaziren, c'est le vrai nom des Berbères en fait. Chez nous, on s'appelle pas Berbères, ça vient de Barbares en fait. Donc, comme on estime qu'on est un peu civilisé depuis 33 000 ans. Et oui, mais pour les Romains, tout ce qui n'était pas romain était barbare. C'est ça, exactement. C'est les Grecs qui nous l'ont donné, c'est les Romains qui l'ont gardé en fait. Mais Imaziren, ça veut dire les hommes libres en fait. On trouve ça plus joli. Et du coup, Nif Imaziren, c'est un peu la fierté des hommes libres en fait. C'est ce truc de ne pas lâcher justement sur notre culture. Quoi qu'il arrive, on gardera ça parce que c'est le seul trésor qu'on a et c'est ce qui nous rallie, c'est ce qui nous relie pardon, aux temps anciens et à nos ancêtres. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut lâcher sur beaucoup de choses, mais sur notre tradition, notre culture, notre langue... Ce qui est l'essentiel, on ne peut pas lâcher. Tiwiza, extrait donc de ce premier album, Amenzou. Tiwiza, surveillez vos gazettes. Il devrait venir rejouer à Toulouse à la rentrée prochaine. Merci beaucoup, Sophia Belaïd. Et bonne millième aussi. Merci beaucoup. Et à très vite. Vous croyez qu'en radio ça va marcher ça? Je crois à ce qui est dans le vent. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Bonsoir François Dorembus. Salut. Vous êtes, j'allais dire, un régulier de cette émission. On vous a vu pour divers projets solo, vos productions discographiques, pour vos interventions aussi avec d'autres. Je me souviens qu'ici, vous êtes venu chanter des chansons de Léo Ferré, accompagné par Serge Lopez. Et me dites pas non, j'ai encore des traces sur mon ordinateur de ces enregistrements. Et puis ces dernières années, on vous avait vu commencer un peu à bidouiller l'électronique avec un projet sous votre nom. Et puis ces derniers temps, on vous voit jouer avec une joueuse de harpe, une harpiste, Rebecca Ferron, dans un spectacle qui a à voir énormément avec la poésie. Le groupe et le projet s'appellent Ameslam. On vous avait fait venir ici il y a 2 ans pour un concert à la radio. Depuis 2 ans, ça devient quoi, la Meslam? Alors, depuis 2 ans, ben, c'est, ça devient ce que devient un groupe quand il a la chance de pouvoir durer, de faire des concerts relativement régulièrement. Bah, c'est jamais assez, mais donc, déjà c'est une rencontre humaine aussi quand ça, dans la durée et artistique. Donc il y a un mariage à la fois humain et musical qui se crée. Et puis ce temps de 2 ans, c'est le temps où on sort du solfège en général d'une création, d'une première, d'une générale, des premières représentations, pour commencer à trouver quelques libertés, quelques notions d'improvisation, d'ensemble, maturité. Alors on va dire, puisque j'ai 2 ans sur ce projet-là, parce que j'ai quand même, en effet, comme tu le soulignais très élégamment tout à l'heure, le temps travaille pour nous, et ça fait un petit moment que je suis compagnon de route de cette émission. Le temps travaille pour nous, certes, mais pas pour mes lombaires, On en est tous là, François Dorelbus, on en est tous là. En tout cas, voilà, la créativité et la gourmandise dont j'ai hérité, en tout cas, peut-être aussi de mes racines ou de mes parents, me tient toujours gourmand. Et peut-être justement, petite aussi correction par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, j'ai bidouillé l'électronique bien avant que ce soit la tendance, puisque, bon, je ne sais pas si les gens ont connu comme les bananes flambeuses, mais ça remonte quand même en 1983, donc 40 ans, je m'intéressais déjà beaucoup aux boîtes à rythme, disons que j'aime bien, pour moi c'est pas galvaudé cette notion d'air du temps, quoi, si on est un peu d'inspiration, d'expiration, et c'est-à-dire peut-être pas devant, mais pas derrière non plus, quoi. Pas dans l'effet de mode, en tout cas. Voilà. Ce qui reste, par contre, dans tous les projets que vous nous avez montrés sur scène ou sur disque, c'est cette qualité d'écriture et cette poésie revendiquée. Oui, alors j'étais très touché par ce que disait Soufiane, parce que moi, j'ai ces identités, entre guillemets, très multiples. Voilà, je suis fils de parents émigrés polonais et juifs. Je suis né en France, nourri à la pop musique, à Jean Ferrat, Nougaro, Adamo et les Beatles. Enfin, tout ça crée une espèce de bloubi-boulga, de chaudron dans lequel j'ai baigné, où, comme la crème du lait, avec le temps, non pas va tout s'en va, mais peut-être tout remonte un peu. Je suis venu à la pop, à la soul. Moi aussi, évidemment, j'étais baigné de culture, je dis moi aussi comme Sofiane et comme toi sûrement, par la musique anglo-saxonne et américaine, heureusement aussi. Mais avec cette empreinte, hein, qui est le nom d'un groupe aussi toulousain, avec cette empreinte forte de Ferré, de la poésie, donc mon travail avec Amslam, il y a un texte de Baudelaire, il y a 2 chansons de collaboration avec Pierre Soletti, qui est vraiment un poète contemporain. Voilà, un autre écrivain aussi qui s'appelle Jean-Michel Espitalier. Voilà, et puis sinon, la plupart des autres, l'ensemble des autres textes sont de moi, mais il y a cette empreinte qui peut-être, je ne sais pas si c'est... moi, je ne me pose pas la question, de toute façon, de savoir... c'est vrai qu'on est à l'âge aussi, on assume un peu ses obsessions, et de toute façon, je ne peux pas reculer non plus. je peux pas faire autrement. Peut-être c'est une fois un petit peu has-been, ou pas trop dans l'air du temps, ce sens de la poésie, de l'écriture, du verbe. C'est un peu une niche, on va dire. Hein. Avec une musicienne quand même assez singulière, c'est vrai que Rebecca Ferrong, j'allais dire harpiste classique, qui met son instrument au service de plein de projets musicaux autres. On l'a vu longtemps jouer avec Frédérica, par exemple. Ouais. On la voit jouer avec vous depuis 2-3 ans. C'est vrai que c'est une musicienne aussi assez singulière, elle aussi, qui commence à jouer avec des boucleurs et à faire des solos de harpe. Vraiment une musicienne singulière. Et oui, de toute façon, le singulier appelle le singulier, je pense. C'est une grande chance, hein. En effet, Rebecca, elle est exceptionnelle. Et puis, Donc là, c'est vraiment déjà, déjà du bonheur d'avoir cette... parler d'éclectisme là tout à l'heure, en effet, je ne sais pas si ce mot est un peu galvaudé aussi, sémantiquement, mais oui, cette espèce d'ouverture, de liberté, et pour finalement, depuis ou au commencement, puisque tout est commencement, tout le temps, un peu, pour l'instant, tant que je suis en pleine position de moyens, et peut-être que les sexygénaires qui m'écoutent comprendront ce que je veux dire. En fait, moi, j'ai plein de collaborations depuis 10-15 ans avec des jeunes, vraiment, que ce soit au niveau du cirque, puisque je travaille aussi avec le théâtre, avec le cirque, et toutes ces choses qui m'ont nourri. Ou les jeunes que vous rencontrez à Musical, puisque vous êtes complètement aussi prof à Musical. Oui, oui. Mais ça, c'est des choses qui se font maintenant, si tu veux, beaucoup plus couramment. Moi, je le vois chez mes élèves maintenant. Avant, quand je leur parlais de théâtre, ils me disaient « Ah, t'es comédien !» Quand je partais en tournée, je disais « Mais non, je suis musicien, je joue juste avec du théâtre. » Maintenant, presque, là, ça fait pas « Hey, papy, ça va, nous aussi, on joue avec des circassiens. » Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'énergie, ça, c'est vraiment quelque chose de magique et d'intemporel. On se retrouve vraiment dans une fraternité créative et artistique, et dans même une belle amitié, une belle énergie humaine, avec des gens, bon, en effet, qui ont 40, des fois même moins. Et moi, et du coup, il n'y a plus du tout cette notion. Je vois que pareil avec mes élèves de l'école du cirque, on est vraiment dans le groove ensemble, quoi. Et ça, c'est ce que permet en effet, pas seulement la musique, je pense, la pratique artistique en général. Donc, depuis 2 ans, il y a eu peu de production discographique de l'âme slam, sans doute pour des raisons aussi économiques. Et effectivement, le disque, à quoi ça sert d'en sortir si les gens ne consomment la musique que sur des plateformes? Donc du coup, par contre, on vous retrouve sur plein de plateformes. Je vous ai découvert sur Deezer, ouais, par exemple. Je ne pensais pas arriver à trouver un album de l'âme slam sur Deezer. Par contre, votre production continue. Vous enregistrez régulièrement, sans doute pour faire aussi des photos d'étapes, voir un peu où vous en êtes et comment vous avancez. Et puis, il y a surtout les concerts, et donc ouais. Vous êtes là aussi ce soir pour nous reparler d'un concert qui aura lieu demain à Marthe-Tolosane, dans un endroit qui s'appelle l'Épicentre, si j'ai tout compris, un endroit monté par Dick Annegarn et ses amis du Verbe, donc j'allais dire le vaisseau amiral de l'association Les Amis du Verbe. Parlez-nous un peu et de ce lieu et de ce concert. Alors ce lieu, je ne peux pas vous en dire... C'est la première fois que vous y allez. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup. Par contre, ça a un sens assez... non pas insensé, mais sensible en tout cas pour moi, parce que d'aller jouer chez Dick Annegarn, bon, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer une paire de fois là, dans mes tournées, mais moi j'ai fait la manche dans la rue avec dans les restos avec ses chansons quand je suis arrivé à Toulouse, donc ça devait être vers les années 80, entre 80 et 90, mais surtout quand j'avais 17-18 ans, je faisais des scènes ouvertes où j'avais déjà pu l'entreapercevoir. Oui, donc là, vous étiez à Paris. Oui, j'étais à Paris, pardon. Et j'allais le voir, il jouait déjà. C'était au Centre Américain que vous faisiez. Voilà. Absolument, Centre Américain et Caritorini, je ne sais pas comment ça s'appelait. Enfin, puisque il nous avait raconté ici dans cette émission qu'il avait commencé aussi dans des jams au Centre Américain. J'étais très fier, puisqu'il avait déjà commencé à sortir ce disque de succès où il y avait Bruxelles et ses deux premiers albums. Et déjà, il se mettait un petit peu, il faisait un pas de côté en jouant dans des MJC devant un public assis, et il préférait les salles de 60 personnes aux Olympia à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de Zénith. Donc pour moi, d'aller jouer chez lui maintenant, c'est sur une programmation auquel il a participé, même si on lui a soufflé un petit peu l'idée. Michel Rivérol. Rivérol, que je salue ici, qui s'occupe du Festival des Tours de Chant. Et puis Jérôme Bollock. Présidente de l'Association des Tours de Chant. Qui s'occupe aussi un petit peu de cette salle. C'est très émouvant, quoi, pour moi d'aller jouer là-bas demain. Je ne sais pas s'il assiste à tous les concerts. J'espère qu'il sera là. Voilà, en tout cas. Ça a du sens. Avec un concert où il va y avoir des nouveaux morceaux, par exemple? Oui. Alors, le spectacle, il a vraiment évolué depuis le début, et heureusement, j'ai envie de dire, parce que je n'ai pas encore trouvé la solution. Je dis souvent, en plaisantant, et je vois que ça résonne souvent, c'est pas mal de mes collègues, qu'en fait, un spectacle, il est vraiment bien quand il s'arrête, quoi. Et surtout quand on n'a pas la chance quand même de faire des tournées de 80 dates par an avec le même spectacle. Hein, puisque moi, c'est vrai que je n'ai jamais été vraiment dans cette configuration-là. Mmh. En fait, je joue dans toujours 4 ou 5 spectacles avec du jeune public. J'ai toujours mené ma carrière, entre guillemets. En ayant plusieurs fers au feu. Voilà, parce que ça me plaît aussi. Mmh. Et puis, parce que et puis c'est aussi une nécessité pour les intermittents du spectacle. Faut aussi le dire. Mais très clairement, on appelle ça maintenant, ça a un nom. Toi, à l'époque, ça n'en avait pas. T'étais musicien, tu jouais dans un bar, et point bar. C'est le cas de dire point bar, B-A-R. Et on te payait en bière, d'ailleurs. Voilà, ou au black, ou au chapeau. Bon, maintenant, ça s'appelle la multiplicité du parcours artistique, s'il vous plaît. Ça a un nom dans la formation professionnelle. C'est vachement plus joli. Voilà. Donc, voilà, je suis content. Là aussi, tu vois, j'étais peut-être pas devant, peut-être, mais en tout cas pas derrière. Quoi. Donc, concert demain, à quelle heure? J'ai oublié de le dire. Alors, c'est 18h30 le concert. 18h30, hein, ouais, épicentre. Un peu singulier, ouais. Une salle donc à Marthe-Tolosane, en duo avec Rebecca Ferron. On va écouter Crépuscule. Alors, je suis très content parce qu'en fait, je t'ai envoyé plusieurs choses et je ne t'avais pas soufflé. Mais en fait, c'est une chanson que j'ai écrite vraiment pour Rebecca, pour sa voix aussi. Et oui, parce qu'elle chante. Et c'est un des rares morceaux où elle l'a aussi chanté. Voilà. Alors, ça, c'est quelque chose qui est aussi en voie de développement, entre guillemets, dans le projet. C'est qu'elle soit de plus en plus. Parce que c'est un des retours qu'on a. Mais vraiment, vos deux voix sont super. C'est chouette aussi la vie vraiment d'un spectacle en direct avec le public, avec les retours, avec qu'est-ce qui fait provoque l'adhésion, unanimité ou pas, mais ce style de retour qui je veux dire qu'il y a une adhésion au projet de toute façon, mais après comment ça va. Il y a aussi tout, des fois les manques de confiance qu'on a, les choses qu'on n'a pas vues, qui nous ont échappé et qui en fait sont chouettes. Et puis des choses qui des fois sont moins chouettes qu'il faut justement écarter. Donc c'est cette vie-là, moi, elle me passionne. Quoi. Ouais. Et ça va être l'évolution de ce duo, laisser un peu plus de place à la voix de Rebecca. Ah bah complètement. Mmh. Ouais. De toute façon, moi, j'ai toujours fonctionné comme ça hein, depuis le début avec les musiciens. Je pense avoir quelques talents, mais je pense surtout que faire vivre et valoriser les talents des gens avec qui on travaille, c'est non seulement c'est pas de l'altruisme, c'est être malin simplement, et c'est comment dire tout bénef, c'est partager des trésors quoi. Ça enrichit le répertoire. Bah surtout quand on joue avec des musiciens. Comme Rebecca. Voilà, donc Ameslam duo François Dorembus, Rebecca Ferron à l'harpe, François Dorembus à la guitare et au chant. Et vous l'aurez compris, Rebecca chante de plus en plus sur les nouveaux morceaux d'Ameslam. Donc demain soir, à partir de 18h30, à Marthe-Tolosane, à l'épicentre, la salle qui est directement issue de cette association montée par Dick Annegarn, les Amis du Verbe, avec toutes les manifestations et festivals qu'il fait dans son coin là-bas du Comminges, dont l'épicentre demain, Marthe-Tolosane, 18h30, l'âme slam, et on les écoute tout de suite. Donc un morceau que l'on peut donc trouver sur pas mal de plateformes sur le net. Sur toutes les plateformes numériques, je suis complètement connecté de Spotify. Formidable, vous êtes un homme moderne, crépuscule, l'âme slam. Je ne verrai pas la fin des haricots. Je ne verrai pas le ciel tomber de haut. Je ne verrai pas le vent te dire oui ou te dire non. je ne verrai pas le soleil brader ses derniers rayons. Je ne verrai pas le grand chariot rouler sur la queue de la casserole étoilée. Je ne verrai pas le vent te dire oui ou te dire non. Je ne verrai pas mon âme ramener la caution. Sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec les cavaliers du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM. Bien calé. Ça va très bien. Moi, calé sur mon petit fauteuil à roulettes. Vous, je suppose, calé dans votre grand fauteuil tout près de la cheminée, prêt à nous raconter une nouvelle histoire cinématographique. Peut-être. Comment se passe cette millième? Ça se déroule bien. Ça se passe plutôt bien, sauf que en début d'émission, j'ai loué le caractère collectif de cette émission, et c'est sans doute une des rares émissions de l'année où j'aurais été tout seul dans ce studio. Mais enfin, bon, il y a des impératifs autant météo que liés au transport toulousain qui font que vous êtes tous les deux chroniqueurs du soir, Manuel Pomard et donc vous à l'extérieur de ce studio. Mais n'empêche, on vous entend et la radio, ça n'est que ça. Écoutez les gens. Mais vous savez, je vais vous rassurer, vous fêtez votre millième. Et je vous rassure, les grands finissent seuls. Ah oui, d'accord. Ouais. Les grands ne finissent jamais accompagnés. D'accord, je sais c'est pas la propriété des grands, et à la fois c'est leur grandeur, les grands finissent seuls, comme ça. Ouais, d'accord, très bien. Je ne sais pas si ça va me rassurer, mais en fait, ça me fait un peu peur. Allez, de quoi qu'on cause ce soir, allez, professeur. Ce soir, c'est un petit cadeau pour vous quand même, parce que je sais que vous aimez Venise. Oh oui, j'adore. Donc nous allons parler. C'est au-delà même. Je ne rêve que d'une chose, allez m'y installer. Eh bien, bien sûr, et voilà. Et moi, je vous fournirai plein de films sur Venise, comme ça, vous allez savoir ce qu'est véritablement Venise. Mmh. Alors, est-ce que vous savez qu'il y a quand même une grande tradition cinématographique des films qui se passent à Venise ? Oui, Parce que c'est quand même un paysage cinématographique proprement incroyable. Incroyable. Oui. Et donc, on a à la fois on peut passer de la romance touristique style blockbuster américain à des choses un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus sombres, un petit peu plus délicates, comme le film dont on va parler ce soir. Alors, dites-moi. Oui, et j'étais en train de dire blockbuster américain. Je me souviens de cette scène absolument géniale d'un casse et les casseurs s'enfuyaient sur les canaux de Venise. C'était Braquage à l'italienne ou quelque chose comme ça. Exactement, tout à fait. Mais on ne va pas parler de Braquage à l'italienne. Alors, donc il y a une grande tradition de films qui se sont tournés à Venise. Alors moi, j'aime pas trop le côté, vous voyez, touristique de Venise, etc. Donc voilà, comme je l'ai dit, je préfère le côté un peu sombre, un petit peu plus délicat, un petit peu plus quelque part aristocratique, mais aussi franchement décadent. Alors on pourrait citer Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, que vous avez certainement vu. Tout à fait. Voilà, qui était une espèce de film fantastique, un film fantastique de fantômes très très très bizarre tourné à Venise. On pourrait aussi citer d'ailleurs, je me demande si j'avais pas fait une chronique sur ce film-là, qui s'appelle Âme perdue, qui est un film de Nino Risi, vous voyez, qui date de 77, avec Vittorio Gassman et Catherine Deneuve. Voilà, qui renouait d'ailleurs avec ce Venise autrichien, puisque Venise a été occupée par l'Autriche de nombreuses années, voire des décennies. À 70-80 ans, on se souvient tous de cette scène de Sissi impératrice qui va dire bonjour aux Vénitiens. C'est pas parce qu'elle avait envie de voir le Palais des Loges ou le Rialto, c'est parce qu'elle allait voir son peuple. Exactement, tout à fait. Eh bien, ce soir, je vais vous parler de la victime désignée. Ah. La vittima designata. J'adore quand vous parlez italien. Ah, vous avez vu, hein, je maîtrise l'italien comme vous, vous maîtrisez les ondes radiophoniques. Oui, c'est ça, oui. Voilà, alors, qui est un film qui date de 1971. Voilà, d'un réalisateur d'ailleurs qui s'appelle Maurizio Lucchini, alors qui lui a été quand même plus spécialisé, on va dire, dans le western spaghetti, voilà, qui a réalisé des choses comme Amigo, mon colt a deux mots à te dire, hein, c'est pas beau ça. Exactement. Magnifique. Donc voilà, et à la fois un réalisateur sur lequel, alors j'ai vu les films de Maurizio Lucchini, mais c'est à la fois un réalisateur sur lequel on ne va pas tirer des plans sur la comète, et pourtant il y a cette victime désignée. Alors qu'est-ce que c'est que cette victime désignée, qui n'est rien d'autre en fait qu'un remake d'un film d'Alfred Hitchcock qui s'appelle L'Inconnu du Nord Express. Ah. Est-ce que vous vous souvenez de L'Inconnu du Nord Express ? Oui, c'était deux hommes. C'était une histoire de meurtre, l'un tué pour l'autre, et inversement. Exactement. Eh bien, écoutez, là, c'est la même chose, sauf que là, ils ne se rencontrent pas dans un train, ils se rencontrent donc à Venise, et ils vont échanger les meurtres. Ah. Donc, un doit tuer la femme de l'autre et l'autre doit tuer le frère de l'autre. Mmh. Voilà, c'est la seule, on va dire, subtilité, le seul petit décalage par rapport à la structure donc hitchcockienne. Et à quoi on a affaire ? Donc, on se dit effectivement, on a affaire à un remake donc de ce film d'Alfred Hitchcock, mais ça se passe à Venise. Et là, forcément, tout est différent. Tout est différent et comment vous dire, c'est une Venise qu'on va voir plongée dans la brume, voilà, continuellement plongée dans la brume. C'est une Venise décatie qui est presque en train de s'enfoncer, comme ça dans les eaux. Lagune. Mais on est aussi en 1971, et alors en 1971 c'est un petit peu au cinéma l'explosion hippie. Voyez-vous, donc là on a, on se retrouve avec des hippies en fait dans les rues de Venise, voilà, en train de vendre des colliers de fleurs, etc. Et surtout on a ces deux personnages, parce que ça fonctionne quand même évidemment sur cet échange de meurtres, et ces deux personnages. Et alors le premier est joué par un acteur que moi j'adore complètement, qui s'appelle Thomas Milian, voilà, qui était un acteur cubain, alors qui a fait, je ne vais pas résumer la carrière de Thomas Lillian, mais qui a fait des centaines et des centaines de films, et qui était un acteur un petit peu incontrôlable. Je pense que c'est une des rares fois où je l'ai vu sobre, réellement sobre, et son partenaire de jeu, que vous connaissez certainement, qui est un acteur français, qui s'appelle Pierre Clémenti. Ah oui, un immense acteur des années 60-70, qui était le grand copain de notre acteur que j'adore, Jean-Pierre Calfon, et qui, exactement, avec Bulogier, faisait un trio magnifique. Exactement, exactement. Alors Pierre Clémenti, qui a eu une carrière complètement démente de plus de 90 films, c'est quelqu'un qui est aussi à l'aise, je pourrais dire, chez Pasolini, chez Philippe Garrel, chez Jacques Rivette. Et là, il se retrouve dans ce thriller, parce que quelque part, ça n'est un, donc italien, donc qui se déroule à Venise. Mais Pierre Clémenti va ajouter une dimension complètement incroyable à son personnage, c'est-à-dire que ce garçon va avoir quelque part une figure de vampire. Oui, il est très inquiétant. En plus, il est assez longiligne, il est toujours très inquiétant dans son jeu. Toujours très blanc, toujours très, vous voyez, de couleur de peau, hein, mais vraiment, vraiment très, très, très blanc, avec des lèvres ourlées comme ça et tout. Et Pierre Clémenti va, en gros, si vous voulez, jouer le rôle d'un vampire. C'est-à-dire qu'il apparaît, qu'il disparaît. On se demande d'ailleurs si ce n'est pas une vue de l'esprit de l'autre personnage. Donc on se retrouve dans une espèce de jeu, comment dire, de jeu pervers entre ces deux personnages, dans cette Venise brumeuse comme ça et tout. Et comme je dis, ça appartient à ces films éthérés, vous voyez. C'est des films un peu, c'est des films plutôt, au bout d'un moment, en fait, on se fout du scénario, mais pourvu qu'il y ait cette ambiance, en fait, qui reste. Voilà. Et je pense que la ville y est pour beaucoup, que les acteurs y sont pour beaucoup, et que ça donne, au final, un film complètement formidable, qui est relativement rare. Ça vient de sortir en Blu-ray, d'ailleurs, en France. Donc, il faut s'y précipiter dessus. C'est un petit éditeur qui a sorti ça, qui s'appelle Frénésie. Moi, je conseille ça très, très, très, très, très fortement. C'est des films dont il est très difficile de parler, parce que, quelque part, ça tient de l'expérience. C'est comme Ne vous retournez pas. J'en ai parlé au début de ma chronique de Nicolas Rugg. C'est des films, en fait, dont il est très difficile de parler. Ça tient de l'expérience. Ça tient de cette ville qu'on voit comme ça, comme encore, je dis toujours, dans la brume, etc., etc. Ce côté extrêmement décadent, ce jeu pervers qui se passe entre ces deux personnages, et cette mise en scène qui prend d'énormes libertés, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre de minute en minute. C'est quelque chose qui vous tient en haleine, comme ça et tout. Alors en plus, ça ne fait pas 2h30, hein, donc ça fait 90 minutes, donc là on est quand même dans quelque chose d'extrêmement raisonnable par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà. Mais je vous amènerai le film. Je pourrais rajouter qu'il y a aussi une musique de Louis Bacalov qui est absolument extraordinaire, qui était un compositeur italien. Il a composé la musique de Django, qui est un des plus célèbres western spaghetti. Mais là, il donne il donne un penchant lyrique, donc, à ce qu'il sait faire. Ça, c'est absolument formidable. Et c'est aussi ce que j'appelle un film de couche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un metteur en scène, ou il n'y a pas que des acteurs. C'est-à-dire qu'il y a une photo qui est absolument démente de Aldo Tanti, qui capture vraiment ce côté sombre de Venise. Et il y a aussi ces décors complètement déments de Enrico Sabatini qui arrive à intégrer tout ce qui se fait à l'époque, c'est-à-dire des choses très colorées, etc., mais aussi avec des teintes, voilà, plus brunâtres, plus noires, plus terreuses, voilà. Donc on a affaire à un film absolument formidable qui n'est rien d'autre, en fait, qu'un démarquage d'un film d'Alfred Hitchcock. Eh bien, il me tarde de le voir, ce film-là, dans La victime désignée de 1970 de Mauricio Lucchini. Juste avant de se quitter, professeur Thibault, si j'ai bien lu mes gazettes, ce soir, séance extrême cinéma avec Belle à mourir. Tout à fait, avec Belle à mourir. donc un vrai faux documentaire sur un concours de Miss, donc qui se passe aux États-Unis, dans l'État du Minnesota. Voilà, un film très John Watersien, on va dire, dans l'esprit. Qui a fait un peu d'ailleurs la jonction entre une vieille garde d'actrices, si je peux m'exprimer comme ça, qui sont des gens comme Hélène Barkin, qui est dans le film, et avec toute une nouvelle génération, puisque on a une très jeune Kirsten Dunst qui est dans le film, et Denise Richards aussi mais qui elle était plus connue à l'époque puisqu'elle avait fait déjà Starship Troopers. Enfin voilà, c'est une espèce de passage de témoin dans ce film croquignolé, donc ce concours de Miss qui va complètement déraper. Donc, dans cet état du Minnesota, dans cette ville un petit peu perdue. C'est un petit peu les États-Unis qui se regardent. Vous voyez, c'est ce qu'on n'arrive pas à faire nous. C'est des comédies très très acides qui quelque part là aussi sont très noires mais extrêmement drôles. Et évidemment que ça dérape, parce que si ça dérapait pas, ça serait pas extrême cinéma. Donc nouvelle séance extrême cinéma à la Cinémathèque de Toulouse ce soir 21h avec donc Belle à mourir, le réalisateur. J'ai oublié le nom. C'est sûrement pas grave. Bonne séance et on se dit la semaine prochaine. Eh bien, on se dit la semaine prochaine pour la 1001e. Et c'est exactement ça. Ça va commencer à être difficile à dire. Heureusement, on arrête bientôt. Allez, bonne soirée, professeur. À la semaine prochaine. Voilà, et nous on continue avec la rubrique concert, rubrique concoctée avec la complicité active du Distorama, l'agenda culturel des Bas-Fonds toulousains, agenda qui existe sur le net, mais aussi en version papier disponible dans plein de bars, de salles de concert et de lieux culturels toulousains. Et ce soir, les concerts à Toulouse, eh bien, ça commence aux Ogresses, avenue de Muret, avec Mescala, de la musique jazz inspirée par le folklore d'Europe de l'Est, début du concert 20h30. Ça continue au Ravelin avec Fighting Words, un trio rock toulousain à 20h30 également. Ce soir aux ateliers du Théâtre Garonne dans le cadre de Nouveau Printemps, concert monté par Lieu Commun avec générique Mardi, Nuit Floride, Chien Pourri, Dox et Photomatique à partir de 19h. Manuel Pomard nous en a parlé tout à l'heure. Au Rex, première du Harissa Festival dédié aux musiques actuelles d'Afrique du Nord, double plateau tunisien ce soir avec Sabri Mocha, mélange de musique traditionnelle et de musique contemporaine, suivi de Amine Enouri, alias Nuri, pour un mix entre musique traditionnelle et électronique à partir de 20h. Au Bijou ce soir, le Chœur Gay de Toulouse, un chœur d'hommes a cappella, célébrant l'histoire musicale de la culture gay du Berlin des années 20, au New York et à la Californie des années 70, en passant par quelques revisites de la variété internationale la plus récente, à partir de 21h30, donc au Bijou. Au Taquin, toujours ce soir, Second Brain, un sextet mené par le guitariste Adrien Pija, qui définit ainsi sa musique, jazz dans l'esprit, rock dans la forme, funk dans le fond, à partir de 21h au Taquin. Soirée beatbox rap à la Candela à partir de 20h30, soirée organisée par l'association Human Earth Party avec Ozzy, c'est un solo de beatbox suivi de Peroni, du rap, et puis le duo Zen Hit, un duo de beatboxers, et on terminera avec un piano solo de Khalil. Demain à l'archipel, place Arnaud Bernard, le Festifart organisé par Laurent Avizou de 10h à 23h avec atelier d'art plastique ouvert à tous à partir de 10h. Exposition, rencontre pluridisciplinaire animée par Laurent Avizou, apéro-concert avec le groupe Les Coques Emplâtrées et concert du trio Richa avec le guitariste et joueur de oud Thierry Di Filippo. Demain soir à la chapelle rue Daniele Casanova, concert de soutien à la caisse de grève de l'éducation nationale organisé par le collectif AG Éducation 31 avec le Cri du cœur à 18h30 suivi de My Imagine We Love en version acoustique et de Vrac. Et puis toujours demain au Labo des Arts, 10 rue Clément, une rue qui est parallèle à l'avenue de la Gloire. On pourra donc écouter au Labo Labo des Arts, Lumer, un groupe anglais du Yorkshire, jouant une espèce de post-punk tendu qui renvoie autant à The Fall qu'à Joy Division. Lumer tout de suite dans Caramel Mou. Demain soir au Labo des Arts à 20h30, on écoute Shit. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. La réforme, oui, la chienlit, non. Parce que c'est notre projet. La question est la suivante, comment vous portez-vous? Personne n'a craqué. Et là, je vous demande de vous arrêter. Et voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Je le disais en début d'émission, c'était dans la millième que l'on fêtera vendredi prochain, puisque nous organiserons une nuit du Caramel Mou de 23h à 8h du matin. Plusieurs artistes viendront nous dire bonjour en passant, en sortant de concert, en sortant de je sais pas où. On écoutera des archives, on écoutera des morceaux enregistrés dans ce studio, et puis on essaiera de tenir jusqu'au lever du soleil, histoire de manger des croissants. Donc ça, c'est pour la fête de la millième vendredi prochain, de 23h à 8h. Et puis, Caramel Mou, j'en disais deux mots en début d'émission, s'arrêtera définitivement le 7 juillet. Dernière émission de Caramel Mou. On fermera les portes définitives du bar et de l'apéro saucisson de cette émission qui a plus de 30 ans maintenant. Et on fêtera cette fin d'émission le lendemain, le 8 juillet, à la CAF Poésie, avec un concert où se succéderont une douzaine de groupes. Il y aura Mike Mitchell, il y aura Eric Larenne, il y aura Kiko Ruiz, il y aura Bruno Zarn, il y aura les musiciens que vous avez écoutés la semaine dernière ici, des musiciens bluegrass de la scène bluegrass toulousaine, il y aura El Comunero, enfin il y aura Bien Lapin, un nouveau trio de jazz toulousain, là aussi il y aura plein de gens et ça sera très bien. Oui, François? J'y suis là dans le micro. Oui. C'est la caverne d'Ali Babil qui va s'arrêter. Non, mais je disais à l'instant à notre ami toute l'importance, la richesse que ça avait pour nous, artistes toulousains, cette émission qui s'intéresse tant de manière aussi aiguisée à ce qu'on fait, aux petites choses, aux choses plus importantes. Voilà, vraiment bravo pour l'ensemble de ton œuvre, comme dirait mon ami Eric Larenne, justement. Merci beaucoup. Donc voilà, fête de fin de Caramel Mou le 8 juillet. On a encore 3 semaines pour en parler. Et puis, place à la suite. Dans un instant, John Little reprend le contrôle de la station et des platines de la station pour un nouveau génial et incredible Little by Little Wicked Show. Demain soir, nouvel épisode de l'émission La Liste à 22h, et demain soir, c'est Philippe Pagès, l'ancien patron du Bijou et actuel co-organisateur du festival Des Tours de Chant, qui proposera sa liste. Quant à nous, et bien on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse, avec Eddy Boubaker qui nous parlera du 45 tour de son groupe Esch, qui sera sorti dans la semaine, et Joël Lecussang avec qui nous reparlerons de Mixar Miris. Il y a un peu d'actualité concernant Mixar Miris. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les filles. Caramel!